quatrième et dernier temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de la jeunesse qui s'inscrit également dans la journée spéciale de France Culture Égalité Femmes-Hommes. Après avoir écouté ce matin le débat sur les égalités entre femmes et hommes au matin de France Culture, nous allons participer au débat lancé par la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes sur la question du consentement sexuel en faisant l'histoire de l'âge des majorités sexuelles avec Amélie Meffre qui co-animera cette émission avec nous. Nous allons donc faire l'histoire de ces âges de la sexualité et avec nos deux invités, Juliette Rennes, elle est sociologue et historienne à l'école des hautes études en sciences sociales. Elle a dirigé à la découverte une encyclopédie du genre, c'était sorti l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus exactement. Michel Bozon est avec nous également, il est sociologue, directeur de recherche à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, et il est auteur, entre autres, de Pratiques de l'amour chez Payot, c'était en 2016, et du classique qu'est La sociologie de la sexualité, qui en est à sa troisième édition, je crois, chez Armand Collin. Ils ont tous les deux dirigé en 2015 un numéro de la revue Clio, Âge et sexualité. L'âme candide de notre empire, elle vaut les yeux vers l'azur, les vierges, ce sont des abricots pas mûrs, elles ont peu de charme, mais il faut dire pour fuir les vierges. L'herbe dans le champ, ça pousse inculte et rapidement. Les vierges, elles sont maussades généralement. Elles ont même quelque chose de consentement. Les vierges. Les Vierges, un titre d'Yvette Guilbert, donc du début du XXe siècle. On ne pouvait pas remonter aussi loin parce que le photographe n'existait pas, en 1832 en particulier. Avec vous, Amélie Meffre, bonjour. Bonjour. Vous allez, en ouverture de cette émission, nous faire votre chronique que vous faites habituellement le vendredi, en l'occurrence, un saut dans la loi qui permet de revenir sur des lois qui ont un écho dans la législation d'aujourd'hui. Alors, le projet de loi sur les violences sexistes et sexuelles devrait être donc présenté en Conseil des ministres à la fin de ce même mois. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, l'a annoncé jeudi dernier. Et le gouvernement avait retenu le seuil de 15 ans pour l'âge du consentement sexuel. Vous nous rappelez donc aujourd'hui les lois de 1832, de 1863 et de 1945 qui ont défini pénalement cette majorité sexuelle, Amélie. Oui, ces lois vont en fait tenter de définir le seuil de la majorité sexuelle, non pas en termes de liberté, mais de répression, c'est-à-dire au regard des atteintes sexuelles sur mineurs. Les textes fixent ainsi un âge au-dessous duquel le non-consentement des mineurs est présumé. Ainsi, la loi du 28 avril 1832, que j'avais évoquée en octobre dernier, fixe cet âge à 11 ans. Celle du 13 mai 1863 retient celui de 13 ans et l'ordonnance du 2 juillet 1945 retient celui de 15 ans. Alors pourquoi légiférer à nouveau aujourd'hui, me direz-vous ? Eh bien parce que les lois votées ne sont pas toujours appliquées, qu'elles disparaissent parfois dans les oubliettes du code ou qu'elles en sortent par la petite porte. Mais bon, revenons un peu à comment elles y sont entrées dans ce code. Alors au début du 19e siècle, cette question du consentement des enfants agite déjà les tribunaux. Le code pénal de 1810 prévoit, dans son article 331, que quiconque aura commis le crime de viol ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence, sera puni de la réclusion. Son article 332 précise que si le crime a été commis sur un enfant de moins de 15 ans, le coupable subira la peine des travaux forcés. La loi ne sanctionne alors que les actes commis avec violence. Si celle-ci n'est pas démontrée, les accusés sont absous ou acquittés. Les présidents des cours d'assises se plaignent auprès du garde des Sceaux de la clémence des jurés et réclament que l'on transforme la loi. Ils veulent une nouvelle sanction, même si la violence physique ne peut être prouvée, qu'on prenne au moins en compte la violence morale et qu'on punisse davantage les auteurs de ces crimes. Mais ce qui est en jeu dans ce déni de justice, ce n'est pas tant la souffrance de la victime que l'atteinte aux bonnes mœurs. Et puis, comme me le rappelait l'historienne Anne-Claude Ambroise Rendu, que je salue en passant, on rechigne à condamner un homme pour viol, et qui plus est à une peine de travaux forcés, pour ce que beaucoup considèrent à l'époque comme un moment d'égarement. Autre élément à prendre en compte, si la plupart des accusés sont poursuivis pour attentat à la pudeur et non pour viol, c'est qu'à l'époque, eh bien, les médecins comme les juges estiment que la disproportion entre les organes sexuels d'un adulte et ceux d'un enfant rend impossible le viol. Mais bon, l'attentat à la pudeur sur mineur n'en est pas moins scandaleux, et si nombre d'affaires sont classées sans suite, on réprime tout de même. Alors c'est l'occasion de la révision, c'est à l'occasion de la révision du code pénal en 1832 que les choses vont justement évoluer, Amélie. Oui, le monde judiciaire déplore donc le trop grand nombre d'acquittements prononcés du fait d'une grande sévérité du code pénal, d'une manière générale. Le garde des Sceaux, Félix Barthe, déclare en 1831... Le jury s'habitue à faire peu de cas de sa propre sincérité, il se parjure de peur d'être cruel. Et donc cette révision du code par la loi du 28 avril 1832 va tenter de modérer la dureté des textes. Elle supprime par exemple les peines corporelles et même la peine de mort pour une dizaine d'incriminations. Elle instaure aussi les circonstances atténuantes pour tous les crimes et les délits. Alors pour ce qui est des crimes sexuels sur mineurs, la loi de 1832 innove en créant l'attentat à la pudeur sans violence. Son article 331 prévoit que tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur un enfant de l'un ou l'autre sexe, âgé de moins de 11 ans, sera puni de réclusion. Ce n'est donc plus au regard de la loi la violence physique qui importe, mais l'âge de la victime. Dès lors, avant 11 ans, la question du consentement semble automatiquement écartée. Et pourtant, elle continue à être inlassablement évoquée lors des procès. On recherche toujours les traces de la résistance de l'enfant. On s'interroge sur sa provocation et sa séduction. Jean Bérard et Nicolas Salé soulignent dans leur article « Jeunesse et sexualité » figurant dans l'encyclopédie critique du genre sous votre direction, Juliette Rennes, qu'au début du XIXe siècle, on inscrit l'enfant, son corps et sa sexualité dans des dispositifs disciplinaires. Michel Foucault évoque la constitution d'une catégorie psychiatrique de la normalité à partir d'un regard sur la surveillance des enfants. La figure de l'enfant masturbateur émerge alors. Mais les préjugés sont tenaces et les jugements rendus s'écartent du code pénal. Mais bon, on juge tout de même. Comme le notait justement Foucault, ce qui importe, c'est qu'à un certain moment, cette sexualité entre l'adulte et l'enfant soit l'objet d'une intolérance collective, mais aussi d'une intervention médicale et d'un examen clinique attentif. Alors tout de même, si les jurés comme le personnel judiciaire rechignent à accepter et à utiliser la notion d'attentat à la pudeur sans violence, elle est tout de même réaffirmée à ce moment-là. Oui, l'âge au-dessous duquel un enfant ne saurait consentir est relevé à 13 ans, avec la loi du 13 mai 1863. Ceci n'empêche pas des peines parfois incohérentes. C'est le cas à l'encontre de Nicolas B., accusé d'attentat à la pudeur sans violence sur sa nièce de 5 ans. Il bénéficie en 1865 des circonstances atténuantes au motif que sa victime n'a pas été déflorée. Or, l'homme était inculpé pour attentat sans violence et non pour viol. La question de la défloration n'aurait pas dû se poser, mais elle se pose quand même pour juger de la gravité de l'acte. Alors vient la libération, donc c'est 80 ans plus tard, l'ordonnance du 2 juillet 1945, Amélie, qui retient l'âge de 15 ans cette fois-ci. Oui. Et 1945, c'est le moment où l'on fait grand cas des enfants. Une autre ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante va affirmer dans son préambule même le primat de l'éducatif sur le répressif. L'idée force de cette ordonnance, c'est que le mineur délinquant est avant tout un mineur en danger. Il faut tout mettre en œuvre pour lui venir en aide. Le préambule affirme que la France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. Et c'est dans cet esprit de protéger au mieux nos petits que l'on élève la majorité sexuelle à 15 ans. Alors vient la fin des années 70, et là c'est la dernière étape de notre trajet que nous allons maintenant développer avec nos deux invités. C'est la question de la notion de non-consentement chez les mineurs de moins de 15 ans qui commence à faire polémique à ce moment-là. Oui, deux lettres ouvertes signées par divers intellectuels dont Sartre, Beauvoir ou Foucault sont publiées dans Le Monde en 1977 et dans Libération en 1979. Et ces lettres, elles réclament l'abolition des lois sur la majorité sexuelle. Et c'est à l'occasion, encore une fois, d'une réécriture du code pénal que la loi du 2 août 1982 oublie cette notion du non-consentement et fixe la majorité hétérosexuelle comme homosexuelle à 15 ans. La majorité homosexuelle, c'était 18 ans avant. Enfin, aujourd'hui, certains magistrats s'inquiètent de la réintroduction de la notion de non-consentement qu'ils jugent risquée. Tout ça pour dire que les débats sont toujours d'actualité. Et ce débat, nous allons l'avoir avec nos deux invités. Avec vous, Julia Trenne, bonjour. Bonjour. Et avec vous, Michel Boson, bonjour. Bonjour. Vous avez tous les deux travaillé donc à la constitution d'un dossier pour la revue Clio, donc qui s'intitulait « Âge et sexualité ». C'était très récemment, c'était donc en 2015. Et vous avez participé à ces travaux, les uns et les autres, qui tentent de déterminer cette relation très particulière qu'il y a entre cette question de la sexualité avec la question de l'âge. Si on en fait, on commence à en refaire l'histoire, à en redéployer l'histoire, on entendait hier dans notre émission sur la jeunesse qu'effectivement, dès le Moyen-Âge, contrairement à ce que disait par exemple Philippe Ariès, il y avait des questions qui étaient liées à ces relations entre adultes et enfants et qui parfois arriver devant les tribunaux. Et c'est d'ailleurs ce que dit dans un des articles de cette revue Clio Didier Lette, qui travaille sur les tribunaux de Bologne. Il est médiéviste et qui trouve dans les archives de ces tribunaux de Bologne au XIVe siècle des documents qui montrent que cette question du consentement ou du non-consentement, de l'âge qui sépare un adulte de quelqu'un qui est beaucoup plus jeune avec lequel il a des relations sexuelles, est une question qui est posée dans les débats médiévaux, Juliette Rennes. Oui, c'est pour ça qu'on a voulu faire un numéro diachronique qui commence avec l'Antiquité et qui s'étale jusqu'à la période contemporaine. Et ce qu'on a voulu montrer, c'est que en amont de la période à laquelle l'âge civil organise la société depuis, en gros, de façon structurée, la fin du XVIIIe siècle en France avec le service militaire, puis le système scolaire et toutes les législations qui sont organisées à partir de critères d'âge civil. En amont de cette période, la question des âges de la vie, alors qu'ils ne sont pas forcément des âges référés à une date de naissance au sens contemporain ou longtemps, mais au sens des périodes, selon les périodes 5, 7, qui sont différentes selon les sexes, s'organisent des règles, des normes sexuelles qui varient donc d'une époque à l'autre, hein, ce qui montre que l'âge est un critère évidemment historique et qui varie aussi selon le sexe, puisque ce que montre l'article que vous avez cité de Didier Lette, c'est que les violences sexuelles sur enfants, pour employer un terme anachronique, sont traitées différemment pour les filles et les garçons que sociologiquement, même s'il n'y a pas une enquête à cette époque, à partir du matériau qu'il a, les filles sont abusées plus jeunes qu'à partir du matériau judiciaire qu'il a, les filles sont abusées un peu plus jeunes. C'est même très net, puisqu'il il dit dans son article que 30 cas de viol sur le tribunal de Bologne au XVe siècle, en l'occurrence, eh bien, l'âge de 5 à 15 ans sur les filles, avec une moyenne à moins de 10 ans pour ces cas de viol, et sur les garçons, c'est l'âge de 6 à 20 ans, avec une moyenne de 14 ans et demi, dit-il, après avoir fait. Bon, alors c'est un tout petit échantillon, puisque ça n'est qu'une trentaine de cas de viol sur filles et une soixantaine ou une trentaine aussi, je crois, sur garçons, une soixantaine de cas, mais néanmoins, il en tire cette conclusion, Didier Lette, dans notre numéro de Clio. Et la façon dont est qualifié l'acte est également différent pour les filles et les garçons. Alors, vous insistez beaucoup, Michel Boson, en ouverture de ce numéro de Clio, qui date de 2015, donc sur âge et sexualité, sur la question de l'anachronisme, qu'il ne faut pas forcément faire, il faut faire attention à l'anachronisme, dites-vous, en particulier à partir du moment où on ne sait pas, dans les âges les plus anciens en particulier, quel est l'âge exact des personnes dont on parle, et vous expliquez qu'il y a un véritable, et vous êtes sociologue à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, qui fait beaucoup de graphiques de ce type-là, de tableaux de ce type-là, qui a une véritable révolution à partir du moment où on sait effectivement au XVIe siècle, à peu près, à partir du XVIe siècle, grâce au registre par ratio, peut-être plus tôt dans certains pays comme l'Italie, quel est l'âge de la personne dont on parle, par les registres paroissiaux en particulier, et donc quel est son âge réel, alors qu'auparavant, eh bien, on dit c'est entre tel âge et tel âge à peu près, ou j'ai à peu près tel âge. Ben oui, l'âge tel que nous le connaissons aujourd'hui, il n'existe que depuis environ 3 siècles. Hein. C'est-à-dire que pendant des millénaires, on s'est classé plutôt dans des grands groupes d'âge qui étaient référés que de manière très très vague à ce qu'on appellerait un âge chronologique aujourd'hui. Et c'est à partir du moment où on a enregistré l'âge, c'est-à-dire que l'État a demandé à ce qu'on enregistre l'âge, hein, l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, qui va mettre près de deux siècles à s'appliquer, disons, de manière un peu généralisée sur le territoire. C'est à partir de ce moment-là que, eh bien, d'une part, on s'est mis à fonder des politiques et un droit sur l'âge, et que une conscience d'âge a émergé chez les personnes. Il faut d'ailleurs lire à ce propos le très beau livre de Jean-Claude Schmitt qui s'appelle « L'invention de l'anniversaire » qui, je crois, est publié en poche cette semaine chez Arquet. Nous l'avions reçu il y a quelques années quand il l'avait publié en grand format, qui explique à partir d'un cas, d'un livre de raison, pourrait-on dire, d'un protestant allemand, comment, je crois qu'il est allemand ou suisse, comment, au bout du compte, eh bien, on invente l'anniversaire, c'est-à-dire que cette question de l'âge de naissance, la façon dont on est et qu'on fête ou qu'on célèbre tous les ans, c'est autour de ce 16e siècle dont vous parlez, Michel Bozon. C'est-à-dire qu'auparavant, il existait bien un anniversaire des rois, mais c'était un anniversaire de l'État, hein, de l'instauration d'une monarchie. Il y a eu, en gros, une démocratisation de l'anniversaire que tout le monde connaît, hein, jusqu'aux enfants, au goûter d'anniversaire, ah bon, jusqu'à ce que vous connaissez. Juliette Rennes, sur cette question, effectivement, de l'importance de fixer des âges de naissance pour pouvoir déterminer, eh bien, des cadres sociaux qui vont évoluer au fur et à mesure du temps, et en particulier autour de cette question de la sexualité. Oui, ce qui est peut-être spécifique à la période contemporaine, avec l'histoire longue qu'a rappelé Michel Bozon et la façon dont l'âge civil, alors on peut appeler l'âge chronologique ou l'âge civil, organise les politiques publiques. Ce qui nous a intéressé dans ce numéro, c'est la façon dont des normes sexuelles étaient définies en référence à des âges civils, des normes sexuelles et ou conjugales. L'un des exemples qu'on rappelle est que l'âge nubile, l'âge auquel on a le droit de se marier des femmes et des hommes, était différent dans le code civil napoléonien, puisque les femmes pouvaient se marier plus jeunes que les hommes à 15 ans. Une loi qui a été abolie seulement en 2006, donc, et qui renvoie à des pratiques sociales, mais aussi à des croyances. Anthropologiques, aussi. Anthropologiques, oui et non. Enfin, anthropologiques, elles sont historiques, puisqu'elles évoluent. Anthropologie historique, pourrait-on dire. Anthropologie. Qui renvoie à la fois aux croyances et de l'époque sur la puberté précoce et la maturité précoce des femmes, et qui renvoie aussi à leur rôle essentiellement maternel dans la société, puisqu'elles peuvent se marier dès lors où elles peuvent devenir mères. Michel Bozon. Déjà, sous l'Ancien Régime, il y avait des âges différents, hein, qui autorisaient le mariage. Et c'est d'ailleurs une des fonctions de cette instauration des registres paroissiaux, c'est que les parents puissent vérifier, donner l'autorisation seulement à partir d'un certain âge pour le mariage, hein, qui était fixé à 25 et 30 ans, donc des âges très tardifs qui impliquent que l'âge, ça a été aussi un instrument de contrôle familial et déjà différencié selon les sexes. Et vous dites qu'il y a une ordonnance de Saint-Germain-en-Laye en 1667 qui va finir par faire de cette question de l'âge un outil administratif, Michel Bozon. C'est-à-dire qu'il va devenir obligatoire devant les tribunaux, c'est ça sert de preuve devant les tribunaux. Voilà, ça va devenir un véritable outil administratif dans la jurisprudence. On pourra se référer à l'âge, alors que on se souvient du cas de Martin Guerre. On ne savait pas vraiment son identité, son âge. C'était uniquement des témoignages qui pouvaient donner l'âge, tandis que avec l'enregistrement, on peut se référer à des écrits. Oui, on sort du registre dont on parlait hier, de l'honneur, de la fama, la bonne réputation, en particulier des personnes, ou la mauvaise réputation des personnes, qui était un registre très important au Moyen-Âge, pour entrer dans un autre registre. Celui qui est décrit, il était cité dans la chronique d'Amélie Meffre tout à l'heure, qui est décrit par Michel Foucault, l'arrivée du biopouvoir, le contrôle de l'État sur les corps, Juliette Rennes. Oui, dans l'exemple qu'a cité citer Michel Bozon sur la lutte contre les mariages clandestins au XVIe siècle, cette mesure d'instauration d'un âge limite, donc les femmes pouvaient être mariées à 25 ans et les hommes à 30 ans, donc ça nous paraît aujourd'hui très rare, c'est une mesure au XVIe siècle, et ne respectaient pas ces normes d'âge, ils pouvaient être déshérités. Donc on voit bien là ici que la norme d'âge pour le mariage est moins conçue comme une protection, comme on le ferait aujourd'hui, la période de la jeunesse comme période qui serait pré-maritale ou d'expérience ou de formation, qui serait un anachronisme, mais une façon pour les adultes et les parents de contrôler la transmission de leur héritage. Michel Bozon, puis une question d'Amélie Meffre. Michel Bozon. Oui, et c'était... disons, cette instauration des registres paroissiaux, c'était également une demande de l'Église, hein, en lien avec le Concile de Trente, donc un instrument de contrôle à la fois de l'État, de l'Église et des familles. Donc c'est une optique qu'il faut garder en mémoire. Oui. Amélie Meffre. Oui, vous parliez donc de l'âge minimum de 15 ans hein, pour les femmes pour pouvoir se marier. C'est aussi en rapport avec cette notion-là de virginité, de mariage, que on commence à réprimer aussi les actes commis sur les petites filles. Je ne sais pas si on se soucie vraiment du sort de ces petites filles. Mais en tout cas, on se soucie du sort, de la réputation de la famille, si jamais il y a enfant illégitime et défloration. Juliette Rennes. Oui, c'est un peu ce qui reste dans la trace, dans les affaires de détournement de mineurs qui ont été, je pense à, notamment, là je fais un saut dans le temps, mais à l'affaire Gabriel Russier en 68, qui a été donc inculpée, c'était une enseignante de 30 ans qui a été inculpée pour avoir une histoire d'amour avec un de ses élèves de 16 ans et qui, après l'acharnement judiciaire et malgré le fait que son amant ne s'était pas plein et voulait continuer cette histoire, a fini par se suicider. Et je cite cet exemple parce que il est un peu différent des pratiques judiciaires qui visent à protéger les mineurs, puisque là c'est vraiment la famille qui a porté plainte. Et le détournement de mineurs, c'est le fait de soustraire un mineur aux adultes ayant autorité sur lui. Donc la logique n'est pas celle de la protection de l'intégrité de la personne, mais vraiment celle de à qui appartiennent les mineurs et à qui appartiennent les enfants. Et donc en particulier à leurs parents, en l'occurrence. Michel Bozon, c'est très intéressant que de s'attacher à cette question-là. Comment la loi définit-elle justement la liberté ou non sexuelle de ces jeunes adultes ou de ces enfants de 15 ou de 16 ans, parce que effectivement c'est la remise en cause du cadre social, parental, dans lequel se trouve cet enfant qui est en jeu, en l'occurrence Michel Bozon, dans ces années, jusqu'aux années 60 ou jusqu'aux années 70 du XXe siècle. Oui, alors c'est une protection, enfin le sens du mot protection est à interroger, hein, c'est-à-dire ça a toujours été un terme ambigu, hein, c'est-à-dire que protéger c'est à la fois contrôler quelqu'un et puis c'est lui apporter un soutien. Hein, les années 40, c'est des années où, par exemple, apparaissent des commissions de protection de la jeunesse, mais qui sont, protection de la jeunesse, mais aussi de la censure. Hein, et je crois qu'on aura intérêt à bien réfléchir à tous les sens du mot protection. Donc, ne pas soustraire l'enfant à ses protecteurs naturels, mais à un moment donné, la demande d'autonomie des enfants, les transgressions par les enfants eux-mêmes vont faire voler en éclats cette protection à l'ancienne. Amélie Meffre. Moi je voudrais revenir quand même au début du 19e siècle, parce qu'il me semble que c'est une période quand même très importante de ce point de vue-là. Hein. Vous avez cité le cas de 1968, mais si on revient vraiment aux affaires dont Anne-Claude Ambroise Rendu a évoqué toutes ces affaires-là, je veux dire judiciaires, on voit quand même qu'il y a cette idée des bonnes mœurs, quoi. Ah oui. Voilà. Oui, alors, ce qui est mis en cause au XIXe siècle, et ce qui fait que les atteintes sur mineurs vont être mises en place, c'est la protection de la société qui est recherchée. C'est le désordre dans la société qui est mis en cause, le désordre dans les générations, et c'est pas du tout la souffrance des victimes, c'est l'extérieur, c'est pas l'intérieur. Hein, bon, les victimes n'ont pas l'occasion de dire ce qui leur arrive. Et cela, c'est un régime qui dure jusqu'à quelle période ? C'est-à-dire ce régime décrit ici au XIXe siècle, on peut dire que ça commence à changer dans la société ouest européenne et dans la société française à partir de quel moment ? Au XXe siècle, par exemple, Juliette Rennes ? Ce que montre quand même Ambroise Rendu dans son histoire de la pédophilie qui a été citée tout à l'heure, c'est que la question du consentement se pose dès les législations des années 1830 et qu'il y a plusieurs interventions de personnel judiciaire qui interrogent la capacité d'un enfant, alors donc pas d'un adolescent, mais d'un enfant à consentir à des relations sexuelles dont il n'a pas une idée précise, c'est-à-dire qu'en fait, avec l'idée que pour consentir à quelque chose, il faut savoir à quoi l'on consent. Et cette question-là est déjà posée, alors pas nécessairement en les termes où ils seront posés dans la période des luttes féministes des années 70, mais la question de la capacité d'un enfant à consentir se pose dès ces lois des années 1830 par une partie du personnel judiciaire, même si elle montre aussi que on soupçonne toujours les enfants, certains enfants, d'avoir et notamment les filles, d'avoir été aguicheuses et d'avoir été même des filles très très jeunes responsables de ce qui leur arrive. Michel Boson, ce qui est intéressant dans une question comme l'âge des majorités sexuelles dont on traite aujourd'hui dans cette série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de la jeunesse, c'est qu'elle met en œuvre des acteurs qui ne sont pas forcément tous d'accord. Vous expliquez bien les uns et les autres qu'il y a les acteurs du juridique, les tribunaux, les juges, qu'il y a la naissance au XIXe siècle de nouvelles disciplines, la psychiatrie, la psychologie, évidemment la psychanalyse à partir de Freud un peu plus tard, et que donc ces acteurs, dont on verra qu'ils sont encore à l'œuvre aujourd'hui autour de ces questions de majorité sexuelle, sont des acteurs qui n'ont pas toujours la même vision, pourrait-on dire, de ce qu'est cette notion de majorité sexuelle ou d'âge des sexualités pour les plus jeunes, en l'occurrence Michel Boson. Il y a quelque chose qui est assez fondamental, c'est que la justice a toujours préféré des signes externes, c'est-à-dire des contraintes bien visibles ou des traces sur les corps. Qui peuvent être observés, qui sont incontestables, voire une différence d'âge incontestable. Bon, ça voilà, c'est quelque chose d'assez concret. Mais le fort intérieur, c'est-à-dire ce qui se passe dans la personne, voire sa souffrance, la confusion, tout ce qui ressort de la psychologie, des sens psychologiques, c'est quelque chose qui est très mal pris en compte par la justice. Juliette Rennes. Oui, vous parliez des controverses peut-être et des conflits qui peuvent traverser à la fois des gens qui, par leur position professionnelle, n'ont pas la même relation aux enfants, aux accusés, à la question des violences sexuelles. Et ce qui peut-être est intéressant, c'est que même des groupes sociaux ou des activistes qui agissent les uns et les autres contre le pouvoir des adultes, qui se réclament de vouloir autonomiser l'enfant ou protéger l'enfant avec toute la polysémie qu'a évoqué Michel Bozon sur le terme de protéger, contre le pouvoir des adultes, peuvent avoir des positions très différentes sur la question de la majorité sexuelle, ce qui est arrivé notamment dans les débats entre des mouvements gays, homosexuels contre la majorité sexuelle qui ont été évoqués en introduction dans les années 70, et les féministes qui... les uns et les autres entendaient protéger les enfants contre le pouvoir des adultes, mais avec des options différentes sur l'autonomie sexuelle des enfants. On va y revenir tout de suite. Tourne-toi. Non. Contre moi. Non. Pas comme ça. Et danse. La décadence, Serge Gainsbourg, Jane Birkin, 1973, dans une émission de la Fabrique de l'Histoire consacrée, donc toute cette série est consacrée à l'histoire de la jeunesse. Et aujourd'hui, nous travaillons autour de la question des âges de la majorité sexuelle à partir d'un numéro de la revue Clio qui a été dirigé par nos deux invités, Michel Bozon et Juliette Rennes. Il date de 2015 et il s'est intitulé « Âge et sexualité ». Ces années 70 sont très importantes, Michel Bozon, pour évoquer cette question des débats autour de la majorité sexuelle, parce que vous expliquez bien, et vous êtes, je le rappelle, sociologue à l'Institut National d'Études Démographiques, qu'il y a, entre les années 50, les années 60 et les années 70, un moment où le discours sur les sexualités devient un discours plus commun qu'il ne l'était auparavant, qu'il y a des enquêtes, et vous en faites beaucoup vous-même, vous en avez fait beaucoup, des enquêtes sur les sexualités, qui sont déclenchées, le rapport Simon à la fin des années 60, par exemple, mais aussi aux États-Unis, d'autres rapports qui ont été mis en œuvre par Masters & Johnson ou d'autres choses comme cela, qui sont des rapports où les gens parlent de leur sexualité et, d'une certaine façon, créer une nouvelle norme, expliquez-vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit, où on sait que les Français font l'amour de telle manière ou les Américains de telle manière, eh bien, on va vouloir peut-être à un moment ou à un autre se caler sur cette norme qui est la norme classique qui maintenant est déclarée par les chercheurs, mais aussi dans les journaux, etc., etc., comme étant la norme à appliquer. Il y a plusieurs sources des normes, et les sources les plus anciennes, c'est la religion, c'est la famille, la structure familiale qui fixe des normes d'une bonne sexualité, c'est les communautés, des normes communautaires. Mais à partir du moment où on se met à explorer les comportements, on voit apparaître de nouvelles sources des normes, comme les normes statistiques. La moitié des gens ont eu un premier rapport à 17 ans, 17 ans et demi, par exemple, ou le nombre de partenaires. Et donc, tout ça fait réfléchir et fait que les personnes se situent d'une manière différente, là, par rapport à ce que les autres font, plutôt que par rapport à ce qu'ils devraient faire en fonction de normes religieuses. Oui, et les années 70 sont aussi les années des luttes d'après 68. On sait qu'on va fêter les 50 ans, commémorer les 50 ans de 68, mais il y a aussi tous les débats qui sont liés, encore aujourd'hui, sur cette libération des mœurs, jouissez sans entrave, etc. Enfin, quelques slogans qui sont repris comme des antiennes par ceux qui contestent justement le mouvement de 68 et ses conséquences. Et ses conséquences, c'est la création du mouvement féministe dans les années 70, mais aussi des mouvements comme le Front homosexuel d'action révolutionnaire, le FAR, donc qui sont des mouvements qui sont issus de ces années 60 et 70 et qui vont profondément transformer le paysage du rapport à la sexualité en particulier. Oui, alors on a beaucoup retenu de ces mouvements. Vous avez cité le FAR et les mouvements homosexuels, et on a évoqué tout à l'heure les pétitions de la fin des années 70 pour l'abolition d'un âge de la majorité sexuelle. Ce que montrent Jean Bérard et Nicolas Salé, qui ont contribué au numéro de Clio, et Jean Bérard qui a par ailleurs étudié dans sa thèse cette période, c'est que peut-être on tend aussi à confondre plusieurs fronts de lutte de ces mouvements homosexuels, parce qu'une partie d'entre eux, et notamment le mouvement de jeunesse à l'intérieur du front homosexuel, étaient des mineurs eux-mêmes qui réclamaient l'accès à une sexualité, et avec des majeurs, mais en fait qui en réalité étaient proches en âge, souvent c'était des vieux mineurs, si je puis dire, des adolescents. Et donc les revendications qui ont été ensuite écrasées sous la figure de la pédophilie, qui n'est pas en fait un majeur et un mineur, mais un adulte et un enfant, ont un peu écrasé ces revendications-là, qui étaient celles provenant de mineurs pour avoir accès à une sexualité au moment où ils en avaient envie. Alors, il faut préciser effectivement que ce que j'avais précisé en ouverture de cette émission, mais nos auditeurs nous ont peut-être rejoints d'ici là, que cette question de mineur, il y a l'âge légal et l'âge sexuel qui sont différents pour les hétérosexuels dans ces années 60 et 70 et pour les homosexuels, et que c'est dans cet écart, pourrait-on dire, entre les deux âges qu'il y a possibilité d'être poursuivi quand on a des relations avec quelqu'un de plus jeune en l'occurrence. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la majorité sexuelle n'est pas une notion qui existe dans le droit positif. C'est simplement l'âge à partir duquel un mineur peut avoir une relation avec un adulte sans que cet adulte soit poursuivi et commettre une infraction. Et effectivement, cet âge était différent pour les relations entre personnes de même sexe qu'entre les personnes de sexe différent jusqu'en 1982. Oui, juste... Amélie Meffre. Juste au début du 19e siècle, c'était pas le cas. C'était pour tous les enfants, quel que soit le sexe. Donc, on a introduit cette différence plus tard. Quoi. Oui, sous Vichy. Oui, Michel Boson. Sous Vichy, ça a été aggravé dans les années 60 avec l'amendement Mirguet. Hein, bon. Mais en 70, par exemple, l'âge du consentement pour entre personnes de même sexe, c'était de 21 ans. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait 6 ans pendant lesquels on pouvait inculper pour homosexualité, alors même que l'homosexualité n'était pas interdite, n'existait pas dans le code pénal en France, un pays contrairement à l'Allemagne, hein, par exemple, mais il y avait cette possibilité grâce à cet âge qui est devenu ensuite 18 ans en 74, et c'est seulement, disons, au début du gouvernement Mitterrand, qu'il est passé à 15 ans comme pour les hétérosexuels. Alors, on voit bien que ces années 70 sont des années importantes, mais si on arrive bientôt presque à la fin de cette émission, il nous reste encore 6 ou 7 minutes pour conclure. Si on s'approche d'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ces normes, dont on a vu qu'elles ont évolué autour de la question de l'âge des majorités sexuelles, ont encore changé entre les années 70 dont on vient de parler, Juliette Rennes, les années 80 et aujourd'hui? C'est-à-dire, qu'est-ce qui explique qu'il y a des transformations, des bouleversements et que cela revient encore dans le débat public aujourd'hui? Alors, une des sources des transformations, ça a été notamment les mobilisations féministes autour des violences sexuelles. Et ce que montre par exemple Laurice Boussaguet, qui est une chercheuse qui a fait une enquête sur l'émergence du problème de la pédophilie comme comme problème public hein, dans les années 80, c'est que les féministes, alors ça a été ensuite transformé et récupéré ou en tout cas approprié par d'autres courants politiques. C'est que les lignes que par exemple avaient été ouvertes par des organisations féministes pour dépôt de plainte pour viol leur ont révélé, alors qu'elles pensaient avoir une majorité d'appels provenant de femmes adultes, que en fait la majorité des victimes de violences sexuelles étaient des mineurs et qu'elles étaient des mineurs souvent victimes non pas d'un inconnu dans la rue qui statistiquement reste marginal, mais bien de proches de la famille ou de violences intrafamiliales, c'est-à-dire qu'elles ont révélé statistiquement, et ça a été ensuite un peu effacé par la figure du pédophile criminel extérieur à la famille, elles ont révélé l'ampleur de l'inceste, des violences intrafamiliales, et donc repolitiser, ce qui était nouveau, la question des violences sur mineurs, et en particulier sur les filles, puisque c'était majoritairement des filles les victimes. Amélie Meffre. Et on a vu aussi, à l'occasion de grandes affaires judiciaires, hein, on pense évidemment à Dutroux, que des personnes qui avaient ouvert une voie dans le questionnement de la liberté sexuelle ont été inquiétées à ce moment-là. Je parle de Mazenève, je parle de plein de gens. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette prise de position dans la fin des années 70 n'est plus possible aujourd'hui. N'est plus audible, en l'occurrence. C'est comme une sorte de moment qui s'est tenu en quelques années, après 1968, Michel Boson. Oui, il y a un moment 70 où on a pu penser que pour résoudre les problèmes, il suffisait de supprimer toute notion de majorité sexuelle. Mmh. Plus d'entraves, plus de lois. Bon, c'était un petit peu naïf. Et même les homosexuels s'en sont écartés très très vite de cette position-là. Hein, bon. Mais je crois que dans les choses qui ont beaucoup changé et qu'il faut... Il y a un rapprochement des comportements sexuels des hommes et des femmes qu'il faut bien mettre en avant. Hein, c'est-à-dire bon, bah, c'est-à-dire que, par exemple, sur l'âge au premier rapport sexuel, par exemple, on sait que l'âge des débuts qui est en moyenne de 17 ans, 17 ans et demi, pour les hommes comme pour les femmes. Contrairement à toutes les paniques morales qu'on peut mettre en route, on commence assez tard. Alors, ce qui ne veut pas dire que certains et certaines ne commencent pas plus tôt. Je voudrais dire quelque chose là-dessus. C'est que 17 ans, c'est une moyenne. Hein. Bon, avant 15 ans, il y a déjà 11 à 12 % des garçons hein, qui ont déjà eu des rapports sexuels et 5 % des filles, et notamment 4 % des filles de 14 ans. De 14 ans, et bon, toute une partie d'entre elles ont des rapports avec des garçons de 14 à 17 ans, mais 25% d'entre elles ont eu des rapports avec des garçons de 18 ans, 19 ans, ce qui représente 30 à 40 000 jeunes femmes par an. Hein. Et ce sont pas du tout des rapports, du moins par l'enquête que je cite, qui est l'enquête sur le contexte de la sexualité en France, qui sont liées à des violences. Hein. Ce qu'elles en disent correspond à des rapports tout à fait consentis et même tout à fait protégés. Hein, c'est un indicateur qu'on repère toujours, auquel on est sensible. Hein. Les rapports avec les garçons de 18 ans, par exemple, sont protégés. Hein, bon. Donc, il y a eu donc un élargissement des comportements de tous, et la liberté sexuelle, c'est peut-être ça, hein, c'est-à-dire que les filles font peut-être pas tout à fait ce que leurs parents voudraient, hein, mais ça fait partie de la sexualité aujourd'hui. Et donc, vous semblez dire, donc, parce que on va poursuivre dans ce sens-là avec vous, Michel Boson, que cette proposition, justement, d'un âge du consentement sexuel à 15 ans peut mettre je ne dis pas en difficulté, mais c'est 30 à 40 000 jeunes femmes qui ont, par exemple, des rapports sexuels à 14 ans, va les mettre dans un porte-à-faux juridique, peut-être, soit vis-à-vis de leurs parents, soit vis-à-vis de ceux ou celles qui risquent de vouloir leur protection, même si vous dites que pour beaucoup d'entre elles, ou la plupart d'entre elles, je ne sais pas, d'après les enquêtes, eh bien, elles sont consentantes dans ces rapports sexuels à 14 ans. Ce que je serais plus proche de d'un organisme comme le planning familial qui pense que ça n'est pas, c'est une fausse bonne idée, l'idée de fixer un consentement sexuel à 15 ans. Alors soit on peut penser que il faut pas en fixer du tout, soit qu'il faut en fixer à 13 ans. C'est la position du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. En tout cas, ça serait, du point de vue du planning familial, quelque chose qui rendrait plus difficile, par exemple, leur accès à la contraception, parce que il y aurait ce poids de la loi qui laisserait penser qu'il n'est pas possible pour elle de vouloir avoir des rapports à 14 ans. Oui, Juliette Rennes, et on voit bien qu'il y a encore débat. On disait tout à l'heure, selon les personnes, selon les types de personnes qui s'occupent de cette enfance ou de cette jeunesse, eh bien, il y a des positions différentes, hommes de loi ou femmes de loi, ou militants ou militantes, et cela fait partie des débats qu'on peut avoir autour de cette question de cette proposition de loi de Marlène Schiappa. Oui, et ce que les cas qui ressortent des enquêtes citées par Michel Bozon sur les couples adolescents, en fait, où une fille de 14 ans avec une fille de 18 ans, par exemple, ou un garçon de 14 ans avec une fille de 18 ans, etc., on multiplie les possibilités, sont déjà, en fait, on peut s'interroger sur le dispositif actuel, puisque, en fait, le délit d'atteinte sexuelle, qui est le fait pour un majeur d'exercer sans violence, contrainte, menace ou surprise, prise une atteinte sexuelle sur un mineur concernerait déjà ces cas-là qui sont minoritaires mais pas exceptionnels si des parents décidaient de porter plainte. Donc on peut s'interroger sur le dispositif. Il me semble intéressant que ait été soulevée publiquement la question d'un âge de non-consentement pour des enfants puisque les deux ou trois affaires qu'il y a eu en 2017 sur des mineurs de 11 ans qui ont eu des rapports sexuels qu'elles ont définis comme non consentis et qui ont été définis comme consentis par la justice soulèvent peut-être pas forcément pas forcément un vide juridique, mais révèlent des façons troublantes dont est interprétée la question du consentement dans le système judiciaire, parce que quand une enfant de 11 ans consent à quelque chose dont elle ne sait pas exactement ce que c'est, dont elle n'a pas eu l'idée elle-même et qui lui a été proposé par une personne qui est beaucoup plus âgée dans un contexte d'un rapport de force lié à l'écartage, il aurait été tout à fait possible de qualifier ça en termes d'agression sexuelle, puisque la notion de contrainte morale, par exemple, ou de surprise qui accompagne l'agression sexuelle, peut très bien incorporer, prendre en compte, et c'est dans le code pénal, la question de l'écartage ou du manque d'information de la personne qui consent à quelque chose dont elle ne sait pas exactement ce que c'est. Donc ça a soulevé peut-être moins la question de vie juridique que la question d'une nécessité d'un débat public sur la question du consentement des mineurs. Oui, Michel Bozon. Oui, ces affaires révèlent plutôt, à mon sens, un problème de fonctionnement de la justice ou de recueil des preuves, recueil de la parole des enfants, plutôt qu'ils n'appellent à un âge strict, à 15 ans. Et c'est pourtant ce qui va se passer. On le sait, a priori, même si le planning familial, même si des gens comme Michel Bozon disent « je ne suis pas trop d'accord pour cette majorité sexuelle à 15 ans ». Sauf que la ministre de la Justice, qui sait très bien ce que c'est que l'encombrement juridique, est également contre cette loi à 15 ans, sachant que s'il y a 30 000 ou 40 000 nouveaux cas qui créent des fausses victimes et des faux coupables, ça va être un petit problème. Oui, mais vous comprenez bien que, on l'a déjà dit pour tout un tas d'autres moments, pourrait-on dire, de l'histoire, Michel Boson, il y a un contexte, et le contexte, il est plutôt favorable à cette proposition de loi qu'à au travail que vous pouvez mener en tant qu'expert sociologue à l'INED sur ces questions-là. Certes, mais c'est pour ça que j'appelle à l'ambiguïté du terme de protection. Qui dans ce cas-là, reviendrait à dire « les filles, c'est pas possible à 14 ans ». Ce qui n'est pas le cas, c'est pas la réalité. Juliette Rennes, vous qui avez écrit l'article « Âge » dans l'encyclopédie critique du genre, La Découverte, à La Découverte, que vous avez dirigé, cette encyclopédie critique du genre, c'est une question qui taraude les sociétés depuis tout le temps, cette question de âge et sexualité dont on a parlé depuis le début de cette émission. Et ça ne va pas arrêter, évidemment. Oui, depuis tout le temps et à tous les âges de la vie, puisqu'on a parlé ici de la jeunesse. Et ce à quoi on s'est intéressé aussi dans ce numéro de Clio et dans divers articles de l'encyclopédie, c'est la question du vieillissement et de la sexualité et des différences de genre de ce point de vue-là, puisque le titre de l'émission s'appelait « Majorité sexuelle » et on peut se poser aussi la question de la sortie ou de la non-sortie de la sexualité qui est... aussi quelque chose qui se transforme très vite aujourd'hui. Dis-moi, cette télé, c'est vraiment n'importe quoi. Ah bah tu vois, j'ai bien aimé, moi. Oh bah toi, bien sûr. Dès qu'il y a une femme nue quelque part. Et on conclut avec le « Je t'aime moi non plus », mais dans une interprétation, puisque vous évoquiez justement ces âges de la vie et cette sexualité des plus adultes, pourrait-on dire, la version de 1970 de Jacqueline Maillan et de Bourvil, pour conclure cette émission. Je vous remercie beaucoup l'un et l'autre, Michel Boson et Juliette Rennes, d'être venus pour parler à la fois de votre travail à l'Encyclopédie critique du genre, mais aussi de ce numéro de Clio que vous avez donc dirigé en 2015, qu'il faut lire si on s'intéresse à ces questions de rapport entre l'âge et la sexualité. Merci à tous les deux.